Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Au bord des corps. Bonjour, chers auditorices. Dans le cadre du festival Chahut, je suis allée à la rencontre de la compagnie Bella et Com, compagnie bordelaise de danse contemporaine, ayant également fondé l'association La Clé du Quai. Les deux artistes proposaient deux ateliers de danse ce samedi 18 juin, centrés sur l'importance des mouvements adaptés à chaque corps. La première séance d'une heure et demie, supervisée par Bella, guidait notre attention sur les différentes possibilités de mouvement de l'ensemble des articulations et des parties de nos corps. Comment, à partir de nos appuis et autour de l'axe de notre colonne, nous pouvons jouer, faire circuler notre propre matière. Comment explorer sa kinésphère, c'est-à-dire, en danse, l'ensemble des points et des zones de l'espace que nous pouvons atteindre depuis un point d'ancrage par les mouvements de nos différents membres, des différentes parties de notre corps. Dans la salle climatisée du troisième étage de la halle des Douves, en plein après-midi de canicule, le travail cherchait avant tout un relâcher du poids, une détente du corps en imprégnant dans nos manières de faire de nouvelles mémoires, de nouvelles perspectives. Bella est également danseuse dans le spectacle « Et ma langue se mit à danser » de la compagnie Vision Croisée. Spectacle malheureusement annulé le soir même, pour les mêmes raisons de canicule et d'arrêté préfectoral qui ont suspendu la plupart des événements de ce week-end. La deuxième séance, elle aussi d'une heure trente, guidée par Com, se concentrait pour sa part autour de l'improvisation en connexion directe avec l'autre. En débutant par un travail les yeux fermés pour une partie d'entre nous, l'idée était de se détacher des projections sur l'autre, pour un meilleur focus sur son intériorité à soi, nos sensations, poids contre poids, prenons peu à peu confiance, autonomie et amplitude dans nos mouvements. Nous passions ainsi de partenaire à partenaire, seulement guidés par les points de contact, laissant le corps s'exprimer comme bon lui semble au fil des impulsions. La sensation fut pour moi intense et cathartique. Pratiquant la danse contemporaine depuis environ 3 ans, j'ai déjà un rapport très libérateur au mouvement dansé. Qu'il s'agisse des moments de formation scénique que j'ai pu avoir, de ma propre bulle de danse en soirée, ou bien seule dans mon salon. Depuis les moments les plus enfermants, les plus dépossédants que j'ai vécu, pour moi, pour qui le rapport au corps est plutôt de l'ordre de la bataille quotidienne, danser a toujours été, avec le chant, l'un des seuls moments de trêve. Un moment où, parce que le corps est en mouvement, il ne laisse pas prise au poids, à la peur, ni à l'ennui. Ces moments me permettent d'être fluide dans mes sensations et d'avoir l'impression que, dans ces mouvements libres, peut enfin exister ce quelque chose à l'intérieur, à qui on a tant appris à se taire, se dissimuler, ne pas faire trop de bruit, de vagues, être sage, normé, discipliné. L'hyperactivité qui m'habite trouve les canaux nécessaires pour déverser son énergie. L'hypersensibilité au bruit, aux émotions, entre et ressort directement, prend forme dans mon corps, se transcende, pourrait-on dire. En fermant les yeux, je peux sortir du reste concret et matériel des choses qui me pressent et m'oppressent, et imaginer, resignifier un champ des possibles. L'imaginaire est également essentiel dans le travail de Bella et de Com, comme de beaucoup de danseuses et comédiennes, notamment contemporaines. Le potentiel subversif des corps en mouvement est également au cœur de leur réflexion et de leur création, très centré sur les notions d'engagement individuel au sein du corps plus large qu'est le corps social. Et malgré les appréhensions que j'avais liées à la chaleur, ce moment m'a justement, pour un temps, libéré du climat actuel de violence, de haine et de dépression qui m'entoure, me presse et m'oppresse, moi, parmi tant d'autres, à différentes échelles. Il faut dire que le contexte politique et social général était déjà déprimant, mais la hausse des violences fascistes, qui s'expriment dans l'espace public à l'encontre de l'ensemble des minorités, que ce soit au coin des rues, dans les médias, ou lors de la Pride institutionnelle du 12 juin à Bordeaux, et menaçant désormais ouvertement la Pride radicale du 30, sont autant d'éléments qui font bouillonner en moi, alternativement, tristesse, peur et colère. Alors ce moment de danse, de mouvement libre, d'interaction différente avec d'autres corps m'a fait un bien fou. La sensation de presque m'envoler à certains moments me rappelait l'apprentissage du tango lors de ma bribe de vie passée en Argentine. Transpirante, d'activité et de chaleur, j'ai eu le sentiment de recouvrer un peu de mon moi jusque-là recroquevillé quelque part dans un amas interne d'épuisement. Je me suis rappelé que mes muscles étaient bel et bien là, que le poids de mon corps, ses ancrages, ses pivots, ouvraient tout un tas de possibilités, et que ce corps n'en avait pas fini de pouvoir s'exprimer et lutter pour son intégrité, sa liberté, sa dignité et celle des corps des personnes de ces Adelphes. Cet aparté donné, je vous laisse découvrir à votre tour un peu de cette rencontre. Comme Ebella continue de donner des cours l'an prochain au studio Cours Édouard Vaillant, tant de danse contemporaine, danse théâtre, que d'improvisation. Vous pouvez retrouver les horaires, tarifs et informations sur leur site. Il y a juste à taper Compagnie Bella et Com sur internet. À suivre également le reste de leur programmation et création, en attendant leur spectacle Fleur d'Avril, en avril 2024. Bonne suite de festival à tous, force et amour en ce mois des fiertés, et à tout vite. Salut. Salut. Du coup, tu as participé aux deux ateliers de danse contemporaine cet après-midi, avec moi d'ailleurs. Et qu'est-ce que tu en as pensé, comment tu l'as vécu, toi? Moi, je suis venue ici un peu sur un coup de tête parce que je ne fais pas du tout de danse. Ouais. Et franchement, c'était super. Je trouve qu'ils ont très bien amené tout et que le groupe était super sympa, super bienveillant et que du coup, on a pu se lâcher et tout. Donc, c'était chouette. Tu t'attendais à ça comme forme d'atelier, du coup? J'avais pas vraiment regardé, vraiment c'était un coup de tête, donc non, je savais pas du tout où j'allais. Et quand j'ai entendu improvisation, un peu j'ai eu peur, mais en fait, non, c'était génial. Ils l'ont très bien amené pour qu'on puisse se lâcher, même en impro, je trouve. Et toi, du coup, t'avais jamais fait de danse contemporaine du tout non plus? J'avais fait deux ateliers d'une ou deux heures il y a plusieurs années. Ok, et c'était donc différent ou c'était... Ouais, complètement différent, c'était okay. Pas... C'était... De la découverte. Merci. De rien. Toi, du coup, t'as aussi participé aux ateliers. Comment tu l'as senti, toi? C'était la première fois, du coup, que je participais à un atelier de danse contemporaine. Et c'est vrai que... Enfin, je pensais pas réussir à lâcher prise parce que voilà, j'ai pas mal d'anxiété et tout ça. Et du coup, ils ont été vachement bienveillants et vachement à notre rythme. Et du coup, ça a permis de pouvoir lâcher prise au fur et à mesure et puis de travailler en plus avec en binôme ou en trinôme et tout ça. Et du coup, je trouve que c'est super ça pour connecter à l'autre et à soi en même temps. Et du coup, voilà. Trop bien. Et du coup, comme c'était la première fois que tu venais dans un atelier de danse contemporaine, t'avais déjà des a priori sur la danse contemporaine avant ou des choses... Ou genre pour toi c'était quelque chose que tu avais déjà vu en spectacle ou tu n'avais jamais rien vu de ce type de danse, quoi? Je connaissais pas du tout la danse contemporaine, j'en avais jamais fait. Mais c'est un petit peu le film Encore, ouais. Je sais pas si tu connais, qui m'a vachement aussi plu et un peu donné envie de découvrir ça. Et aussi pour reconnecter un peu à son corps, je trouve ça bien la danse contemporaine. Trop bien. Il y a un exercice en particulier qui t'a plu dans les deux ateliers qu'on a fait? Il y a l'atelier où il fallait se laisser guider et fermer les yeux et attendre que l'autre nous guide. Je pensais pas réussir à garder les yeux fermés parce que ça m'angoisse un peu de pas savoir qui me guide. Et du coup, là j'ai réussi à le faire. Je pensais pas que j'allais réussir, mais franchement, voilà. Oui, je suis d'accord, mais sur pareil, j'avais vachement du mal à lâcher prise, les yeux fermés et tout. Et je pensais pas justement être amenée à faire autant de mouvements différents, etc. Et c'était vraiment chouette à vivre à l'intérieur du corps. Voilà. Toi, t'as du mal à te lâcher les yeux fermés, du coup? Ouais, normalement, ouais. Enfin, j'ai toujours peur et j'ai du mal à faire confiance. Mais quand j'avais fait cet exercice, c'était d'abord, on voyait les personnes qui allaient le faire avec soi, etc. Alors que là, du coup, de ne pas avoir le choix et de ne pas savoir combien de temps ça allait durer, etc. Au début, genre, j'avais de l'anxiété, mais en fait, après, je trouve hyper libérateur parce que je pouvais effectivement juste être connectée avec ce qui se passait à l'intérieur et genre complètement lâcher prise. Et du coup, c'était vraiment chouette. Ok. Et est-ce que tu as eu peur du jugement un peu? Enfin, tu peux pas forcément faire les gestes assez en ample ou des choses comme ça? Curieusement, là, c'était tellement fluide. D'habitude, j'ai tout le temps peur de ça quand il y a ce genre d'atelier et tout. Et là, en fait, j'avais l'impression d'être vraiment dans ma bulle et du coup, j'avais plus du tout peur de ce qui se passait autour parce que je me sentais en confiance. Et c'était un peu... ça m'avait déjà fait ça parce que j'avais fait un peu de tango en Argentine. Et en fait, c'est un peu le même type de connexion et de suivre l'autre. Mais depuis, j'avais jamais revécu de se sentir en confiance dans ce genre d'exercice. Du coup, ah ouais, ok. Donc c'était chouette. Parce qu'on aurait dit que t'étais quand même pas mal confiante dès le début et tout ça. Tu faisais des grands mouvements, t'avais l'air vachement. Je sais pas, genre c'était juste là quoi, quand je voulais bien sortir. Ok. Merci en tout cas de ta participation. Merci. On est une compagnie de danse contemporaine. Moi c'est toujours les résidents que je préfère, c'est les danseurs parce que... Quand ils bougent, tu veux dire quand avec les... Le corps. Quand ils bougent avec le les corps bras, quand ils bougent avec le corps. Les mouvements. Oui, oui. Quand ils dansent quoi. Torcher, hein. J'aime bien torcher un peu. Pour moi, quand tu mets un tutu, c'est cucu. Ah, qu'est-ce que tu connais, toi? C'est cool, merci. Vous voulez vous présenter d'un point de vue artistique, professionnel, associatif? Alors, présentons-nous. Donc moi, c'est Bella. Toi, c'est comme? Tout à fait. Donc on est tous les deux danseurs et on travaille pas mal en danse et en théâtre. Donc danse contemporaine et théâtre. Donc au niveau de la compagnie professionnelle, bah, c'est Bella et Comme. On n'a pas été très, très originaux. Et au niveau de l'association, sur le côté associatif, c'est donc la clé du quai. Où on développe toutes les activités pédagogiques et puis des rencontres, enfin tout ce qui tourne autour de l'idée de mettre en mouvement, que ce soit intellectuellement, physiquement, comment on se met dans une dynamique de mouvement. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, non, tout à fait. En fait, c'est toujours une question qui en ce moment est compliquée pour nous parce que notre local a été victime d'un incendie en novembre dernier, ce qui fait que la clé du quai, dont une grande, grande partie des activités se déroulaient là-bas, ben, n'existe plus vraiment sous cette forme. Donc on a pu récupérer quelques ateliers, mais tout le côté lieu de vie effectivement n'existe plus. Par contre, ben, ça nous laisse l'opportunité de développer plus le côté artistique de la compagnie, du coup, compagnie Bella & Comme, avec là vraiment la question des créations de pièces. Donc là en ce moment notre actualité est plus à cet endroit-là, okay. Parce qu'on n'a plus d'outils de travail pour accueillir les gens et faire vivre tout ce foyer d'artistes, d'associations, etc. qu'on a accueilli habituellement. Quoi. Okay. Par contre, la ligne des ateliers reste la même sur cette idée d'amener de la technique, mais travaille beaucoup l'improvisation pour que la technique soit au service de l'improvisation et de l'expression que chacun peut, voilà, peut trouver, peut donner, et pas rester dans des cours techniques de danse. Ça, c'est important. Oui, c'est ça, l'improvisation, pour votre travail a beaucoup d'importance. Ouais. Quoi, c'est ouais. Okay. Mais pas que improviser pour improviser, il y a aussi de la technique, mais c'est plutôt renommer le fait que la technique, à la base, c'est censé t'enrichir pour te permettre de t'exprimer au mieux. Donc, on n'avait pas envie de rester dans un format d'atelier où tu risques de limiter ton imaginaire parce que tu te contrains dans des formes. Donc les formes sont là, mais toujours ouvrir et se dire qu'elles sont au service de ton imaginaire et de l'improvisation et de ce que tu as envie de faire. Quoi. Surtout qu'après, quand on va sur la création, c'est bien que ce soit pour les ateliers avec des groupes amateurs ou semi-pro ou pour dans nos créations professionnelles à nous, bah, c'est cette base de liberté, de créativité, d'improvisation qui nous nourrit. Si on n'a pas ça, bah, du coup, on se retrouve sans vite démuni pour pouvoir créer quelque chose. Et après, des fois, on va l'écrire ou on le garde en matière improvisée. Mais même quand on l'écrit, après, c'est comme on disait sur l'atelier, il faut garder, retrouver cette sensibilité pour que ça passe pour que ça ne parte pas de la forme, mais de la sensation. Carrément. Et oui, ce que je trouvais intéressant, que j'avais déjà vu dans la description et qui ressortait vraiment dans l'atelier, c'est que, enfin, les deux ateliers, c'était effectivement il y avait marqué dans la description de votre compagnie de ne pas... Enfin, chercher exactement de chercher la qualité du mouvement, c'est ça, mais pas exactement son exacte répétition, ouais. Ouais, voilà, plus que la forme. Et que c'était vraiment un peu ce qui ressentait dans les consignes et les directions que vous nous donniez aussi, d'être plus adapté à nos morphologies, nos intentions, et que ça varie aussi selon les intentions que vous donniez, genre qui faisait un peu le lien avec le théâtre aussi, notamment dans la dernière chorégraphie que tu faisais, etc. Je trouve ça assez intéressant et que c'est des choses qu'on peut plus retrouver en danse contemporaine, justement, par rapport aux autres danses. Parce qu'il faut revenir sur l'origine de la danse contemporaine, qui veut vraiment, d'une part, remettre en cause la hiérarchie qui existe en danse classique, par exemple, dans le système classique, avec les étoiles, le corps de ballet, etc., pour dire qu'on est tous au même niveau. Et surtout, deuxième point, ramener finalement une danse accessible à tout le monde, dire que tout le monde peut danser. Et à partir du moment où tu dis ça, tu dis il suffit juste de trouver comment tu danses et comment tu bouges. C'est vraiment à la racine de la danse contemporaine. Après, ça a beaucoup évolué, il y a plein de courants de danse contemporaine. Il y a de la danse contemporaine qui est effectivement très très très technique, etc. Mais la racine, elle est là, et celle-là, elle est passionnante. Moi, ce qui me ce que j'aime, c'est le côté, même en termes de mode de vie. C'est-à-dire que ce qui fait que ton improvisation, tu vas réussir à improviser, c'est souvent parce que tu arrives à lâcher un peu la tête et te libérer de toutes ces choses qui peuvent t'enfermer. Donc, même en termes de vie et d'état d'esprit, je trouve que ce qu'on fait là dans l'atelier, c'est comment réussir à l'introduire au quotidien, de ne pas s'enfermer dans une situation, mais de réussir à, comme on dit la technique, oui, il faut des clés, il faut des chemins, des pistes, mais comment tu as toujours cette remise en question et du coup, bah, tu prends, tu es dans l'instant présent, tu es avec les autres, tu dialogues. Et du coup, tu peux ne jamais avoir dansé, mais si t'es ultra free dans ta tête, ça passe quoi. Et puis c'est aussi connecté avec les autres, notamment dans l'improvisation. Ouais. Du coup, c'est effectivement comme une conversation, ce que tu disais. Et ça, c'est très amusant parce que sur la question de la connexion, en fait, ça relie plein, comme dit Bella, cette approche, on va dire, technique, théorique, pédagogique de la danse relie vraiment à la fois notre enjeu sur la création et les valeurs qui sont vraiment importantes pour nous dans la vie quotidienne et en société. Parce que la compagnie travaille beaucoup sur la question de la révolte, et de l'engagement. Quand est-ce qu'on s'engage? Quand est-ce qu'on prend position? Comment? Pourquoi? À quel moment on suit une dynamique de groupe? À quel moment on sent qu'il faut prendre parole? Et comment le fait de s'engager ou pas s'engager est un engagement en tant que tel? Parce que si je refuse de m'exprimer sur quelque chose, ça vaut soit accord tacite, en tout cas, ça veut dire quelque chose. Quand tu es dans un groupe en improvisation, c'est la même chose en fait. Comment est-ce que tu prends un moment un groupe de leader, un rôle de leader parce que c'est nécessaire, mais pour autant c'est un leader qui ne doit pas être autoritaire parce qu'il doit être à l'écoute du groupe. Et comment quand tu es dans le groupe, ton rôle est tout aussi important de suivre cette dynamique avec cette finesse et de dire aussi, ben, je dois m'engager à suivre. Parce que si je ne m'engage pas à y aller, ben, ça ne marche pas. Donc c'est vraiment une réflexion sur le groupe et c'est intéressant parce qu'on intervenait hier dans un collège où on a vraiment cette notion comment au collège on apprend très peu. Enfin, à l'école, on apprend très peu à vivre ensemble, finalement, à faire des choses ensemble, et que ces enjeux-là ne sont pas du tout appréhendés. Ouais. Et voilà, donc en termes d'enjeux sociétal, c'est aussi quelque chose qui est très important pour nous. Ok. Et en termes d'influence dans vos différents parcours, est-ce que vous avez des choses à citer? Je laisserai nommer des compagnies ou des personnes qui nous inspirent. Après, moi, ce que j'ai mis en termes de parcours, c'est que j'ai commencé la danse plus tard. J'imaginais pas du tout faire de la danse à la base. Donc le fait de rentrer dans cette école et d'être toute fraîche et de me rendre compte que la plupart des danseuses étaient déjà dans un système formaté, ça m'a tout de suite, je me suis dit, bah, moi je veux pas juste danser, je veux interpréter. Et comme j'ai commencé par le hip-hop, après le contemporain, tout ça s'est mélangé. Donc en fait, ça m'a permis aussi de me dire, bah, en fait, j'ai envie d'aller vers du mouvement et de l'expression. Et donc moi, je prends tout, enfin, c'est-à-dire que j'adore ce côté un peu caméléon de me dire bah là la musique elle va puiser en moi un truc plus urbain, je prends ça, là c'est un truc beaucoup plus éthéré, je prends autre chose, là j'ai envie de chanter, je chante, et du coup moi en termes de nourriture et tout ça, c'est ça qui me fait kiffer. La formation c'était au Portugal, c'est ça? J'ai fait au Portugal et en Belgique, ouais. Okay. Et après des stages ou des formations. Je continue de te former au fur et à mesure, mais c'est... C'est des écoles publiques ou privées ou ça Ben, en fait ce sont des écoles publiques, mais ça marche pas du tout comme en France. En fait, disons qu'en Europe, t'as vraiment un système d'école où c'est porté par le public, mais c'est une école de danse qui a de la théorie et de la pratique. Là où en France, t'as soit la fac, qui même si elle a de la pratique, a un axe très théorique, ou après, tu as ce que tu vas avoir le CFEDAM et tout pour avoir les compétences et valider le parcours pédagogique pour pouvoir enseigner après. Là, c'est vraiment comme une licence, donc tu as la pédagogie qui est au même titre que l'interprète pour être interprète ou être chorégraphe, et après, tu peux choisir en master ou en développement d'aller plus loin dans les méthodologies pédagogiques, plus loin dans la création chorégraphique, et en tant qu'interprète, bah, tu vas... Tu travailles en fait avec des chorégraphes. Et il n'y a pas de limite d'âge du coup pour tu rentres à 18 ans. Okay. Faut que c'est vraiment enseignement supérieur, donc il faut vraiment que t'aies ça. Et après je pense pas. Moi j'avais quelqu'un d'âge dedans. Ouais, en général, il y a des limites d'âge. Il y a peut-être des chiffres, un quota, tu vois. Mais moi je sais que j'avais bien 4 personnes plus âgées dans la formation qui, elles, avaient dansé avant et qui, là, venaient réapprofondir et rebrasser des notions et aller plus loin dans la méthodologie, dans la pédagogie, par exemple. Ou dans la chorégraphie. C'était sur audition du coup aussi. C'est sur audition. Ouais, c'est sur audition. Et puis après en Belgique, c'était Erasmus. Parce que du coup, les écoles sont en lien les unes avec les autres. C'est, pour le coup, c'était qu'en France, par rapport à l'Europe, où il n'y avait aucun lien. Parce qu'il n'y a pas de structure similaire, quoi. Mais ouais, c'était cool. C'est un enseignement qui est riche, ouais. C'est chouette. C'est peut-être indiscret, mais du coup, tu dis que tu as commencé tard. À quel âge, à peu près? Bah, en fait, moi, j'ai fait des cours de danse quand j'étais petite, parce que mes parents m'avaient mis à de moderne, un truc comme ça, mais genre, c'est cool, tu vois, ça m'a mis dans le mouvement, mais c'était très gentil, quoi. Ça nous poussait pas trop. Et après, j'ai découvert le hip-hop quand j'étais au lycée. Plutôt, tu vois, tout ce qui est 15, 16, 17. Et là, par contre, j'ai trop kiffé. Et je m'entraînais tous les jours. J'avais je sais pas combien d'heures par jour. Donc, je finissais mon petit lycée et puis j'allais m'entraîner. Et c'est là où je me suis dit, waouh, mais c'est trop cool. Et en même temps, j'ai vite vu que juste le hip-hop avec les battles, c'était pas ce que j'avais envie. Okay. J'avais envie de pouvoir prendre cette matière et la mettre au plateau ou la transformer et pas juste avoir le côté battle comme il y avait plus à l'époque où bah voilà, tu viens, tu fais ton truc et tu repars. Aujourd'hui, c'est pas le cas. T'as plein de compagnies où c'est des danseurs hip-hop, il y a plein d'autres façons. Mais donc ouais, l'école de danse, bah donc 15-16 et puis après à 18, je me suis dit mais j'ai peut-être pas envie de faire médecine en fait. C'était projet, soit médecine, soit... Je me suis dit bon, ingénieur c'est pas mal aussi et puis bah, du coup tu regardes. Et je vois l'école de danse et je me suis dit, bah écoute, je vais tester. Si je rentre, ouais, c'est lancé et sinon je fais autre chose. Donc comme j'étais prise, après je me suis pas vraiment posé de questions. Mais ouais, du coup 18 pour vraiment être à fond, pour par exemple le classique, je n'avais pas fait avant, tu vois. Donc ça c'est... Et après t'as un diplôme du coup direct pour danser, enfin pour... Bah t'as un diplôme et en vrai tu sais les diplômes... ça compte et ça compte pas, faut quand même que comme t'as les auditions... Non, le diplôme compte presque exclusivement pour l'enseignement. Ou t'as besoin d'un diplôme pour enseigner dans plein de structures. Pas indispensable à certains. Dans toute l'Europe, c'est harmonisé. Non, c'est pas harmonisé avec la France justement. Ouais, c'est pas très harmonisé avec la France. Avec la France, ça a vraiment ce système de passer ton diplôme d'État. Ok, ouais. Le DE. Bon, après, tu peux avoir des équivalences, mais bon, après, ça c'est vrai que c'est un petit peu plus complexe. Ouais. Mais bon, c'est cool. Et toi? Moi, j'ai commencé vraiment tard la danse. Moi, je me suis mis à 20 ans sur des cours amateurs et j'ai dû commencer ma formation pro à 21, 22 ans, quelque chose comme ça. Après, c'était une époque, c'était du coup il y a presque 15 ans. Et c'était une époque où il y avait très très peu de mecs qui dansaient. Du coup, j'ai eu de la chance à la fois de j'ai fait 2 ans de formation et de trouver très vite du travail après. Mais parce qu'il y avait aussi une conjoncture, je pense, qui m'a beaucoup aidé à cet endroit-là. Et moi, je suis par contre tout de suite allé dans le contemporain. Avant, je faisais du théâtre, beaucoup. Je n'ai pas fait de formation non plus professionnalisante. Tu avais fait le conservatoire de théâtre? En théâtre, non, c'était plus les pratiques que tu as. Tu sais, au théâtre, c'était au lycée, des choses comme ça. En tout cas, c'était une première passion artistique. Et après, quand j'ai découvert la danse, je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire. Donc j'ai fait ça et après je me suis formé du coup au conservatoire de Bordeaux pendant un an et avec la compagnie Lulabi sur Bordeaux pendant 2 ans. Donc c'est ça le parcours. Après je suis allé travailler, etc. Et après ce qui m'a beaucoup formé aussi c'est tous les stages qu'on peut prendre avec différentes compagnies. Et là c'est là qu'on peut parler des différentes compagnies qui nous intéressent. Déjà dans l'univers, donc moi j'ai toujours été très sensible donc, au théâtre et à la danse hein, et du coup il y a des compagnies comme ça qui mélangent les deux. Alors j'ai été très touché par un metteur en scène comme Thomas Ostermayer, par exemple. Ouais. Après, il y a aussi la Need Company, que j'aime beaucoup, beaucoup, qui mélange vraiment tout ça, qui fait des œuvres magnifiques, notamment La Chambre d'Isabella, qui est pour moi une des œuvres qui m'a vraiment... Okay. Qui a fait tilt, tu vois. Et après, en danse contemporaine, bon, en ce moment, on connaît bien la compagnie Offenbach-Echter, vu qu'il y a eu le film Accor de Clapiche qui est sorti. Hein. Mais voilà, Offenbach-Echter, c'est un chorégraphe pareil depuis 15 ans, qui m'inspire beaucoup, parce que j'avais pu prendre des stages, pareil, avec des danseurs de la compagnie. T'as aussi toujours la compagnie Ultima VS avec Wim Van de Kebus, des choses comme ça. T'as Zad Kersmaker, ses pièces de groupe notamment, avec des dynamiques d'espace, moi, qui m'intéressent beaucoup. Voilà, un petit peu tous ces univers-là. Bien sûr, Wan Narin, du coup, de la Batsheva. C'est le lieu des compagnies où, dans le contemporain, ils vont vraiment aller sur des corps. Il y a quand même une certaine physicalité, c'est assez engagé. Et puis, tu as le lien avec le théâtre. Enfin, moi, c'était vraiment ce côté émotion, interprétation. Ouais. Je suis beaucoup moins touché par des choses comme Caroline Carson ou des choses comme ça qui vont être plus dans une esthétique, tu vois, qui sont très chouettes, mais effectivement, qui touchent moins par rapport au brut de l'émotion qu'on va chercher. Quoi. Ça marche. Et du coup, qu'est-ce que tu as trouvé dans la danse en plus de ce que tu avais dans le théâtre? Enfin, parce que... Je pense que c'est très personnel et que ça dépend et que chacun trouve son mode d'expression qui lui correspond. Mais c'est vrai que après avoir fait du théâtre, quand j'ai découvert la danse, juste à mon premier cours, je me suis dit, mais c'est extraordinaire les sensations qu'on peut ressentir dans le mouvement. Là, je le ressens plus autant parce que je suis passé par plein d'étapes, mais je me souviens très bien que au fur et à mesure, je me souvenais jusqu'à sentir mon doigt de pied qui se réveillait. Je me dis, waouh, ouais, ce lien de ma tête jusqu'à mon doigt de pied, je trouvais ça extraordinaire d'avoir cette conscience qui se développe. Et ça, c'était un émerveillement hallucinant, quoi. Tu vois. Et maintenant, vu que je danse tout le temps, forcément, je ne voyais plus la différence entre l'avant et l'après. Tu vois. Mais je m'étais vraiment dit, mais quelle puissance d'expressivité, tellement plus forte que le mot. Tu vois. Après, je suis revenu un petit peu au mot aussi, parce que ça circule, tu vois. Mais il y avait vraiment cette sensation qui était vraiment interne et intime, finalement. Et tes formations, toi, elles t'ont plu Formation en danse ? Ouais, enfin, conservatoire, l'ULABI, enfin, c'est des choses que oui. Tu recommandes à des personnes ? Oui, c'est clair. Alors, non, ce que je dirais, c'est que moi, ça m'a très bien convenu. Mais il faut vraiment que chacun trouve la formation qui lui correspond, tu vois, parce que chaque école, chaque structure va proposer une pédagogie différente et ce qui est bien pour moi va pas être bien pour quelqu'un d'autre, donc ça c'est hyper important. Donc ça veut dire que s'il y en a qui veulent aller faire des cours ou quoi, il faut parler avec les chorégraphes ou les enseignants qui s'occupent des formations, sentir quelle est l'atmosphère, est-ce que ça convient, et parler avec d'autres danseurs qui l'ont fait, qui vont pouvoir dire bah ouais, tu corresponds à cette formation, tu corresponds pas tellement à celle-là. Et ça, ça me semble très intéressant. Et le plus important, de toute façon, c'est de multiplier les approches. Comme je disais, moi, où j'ai le plus appris, ça va être dans tous les stages que j'ai fait après. Parce que là, ça ouvre forcément, ça te confronte à d'autres façons de faire, à d'autres danseurs, et t'es plus dans ton... De toute façon, si tu veux être un petit peu versatile et répondre au mieux, il faut... T'as besoin de t'enrichir comme ça et de... Mais très clairement, à l'époque où j'ai fait la formation de l'ULABI, c'était effectivement très très complet. C'était très très ouvert. J'étais épaté, moi, parce qu'après, quand je voulais faire plein de stages, il y a plein d'éléments que j'avais chopés déjà à l'ULABI. C'était très intéressant. Le conservatoire était très intéressant, un autre endroit de conscientisation et une exigence technique plus fine, qui, moi, me plaît moins, mais qui était portante à toucher, mais pas suffisante. Ok. Et votre rencontre, collaboration, du coup, ça s'est fait comment autour de... Oh, ça s'est fait il y a longtemps déjà, sur une audition. Okay. Sur une audition à Paris, tout à fait. Et ensuite, moi, comme j'étais au Portugal avant, c'était un peu ma première année où j'étais à Paris, pour essayer de faire des auditions. Et puis, bah, la réalité de la vie fait que c'était pas forcément évident d'être à Paris, économiquement, bon bref, les auditions, tout. Et sur une audition, je l'ai rencontré, puis lui, il était à Bordeaux, et en fait Bordeaux-Paris, c'est pas si loin. Et surtout, à Bordeaux, ça permettait de créer des choses, et on a tout de suite senti qu'on avait envie aussi de travailler pour d'autres, mais on n'avait pas envie d'attendre non plus que les choses se passent, et qu'on avait aussi des choses qu'on avait envie d'impulser. Et donc, c'est parti de là, quoi. Ouais, ça s'est fait assez naturellement. C'était très évident. C'était assez évident. Et donc voilà, petit à petit, on a ouvert les cours un petit peu plus, puis année après année un peu plus, puis après il y a eu le projet du lieu, du café qu'on a récupéré, l'anciennement Chai Bar. Et donc ça nous a permis d'avoir cet ancrage un peu plus local, et surtout un projet qui nous correspondait plus, parce qu'on n'avait pas envie d'avoir une école de danse avec juste des cours. Mmh. On avait envie qu'il y ait un endroit où les gens puissent se rencontrer, échanger, tu vois, des débats, des conférences, et donc c'était plus propice à ça. Organiser aussi, enfin là du coup plus parce que vous avez pas, il y avait beaucoup de choses qui s'est passé, ouais, beaucoup beaucoup beaucoup, et puis c'était un moyen aussi pour nous de rendre possible des choses qui n'avaient pas été forcément possibles pour nous en tant que jeunes danseurs, de trouver un lieu pour répéter facilement. Oui, parce que du coup vous le mettiez aussi à disposition. On le mettait à disposition, ouais, pour ceux qui voulaient s'entraîner, le studio. Après, il était dispo à la location aussi pour ceux qui avaient un projet de cours ou des choses comme ça, mais cette mise à dispo, c'était important pour nous. Après, des accueils en résidence, ce qui fait qu'on rencontre des équipes, et d'une certaine façon, à petite échelle, on soutenait la création chorégraphique, quoi. Ok. Ce qui est important pour nous, ouais. Et tout à l'heure, quand je t'entendais parler de Milonga, etc., tu as un rapport au tango aussi, du coup Ouais. Parce que j'ai un peu retrouvé les sensations, genre tout à l'heure, quand on a fait l'impro aussi. Et du coup, je sais pas si c'est aussi quelque chose qui fait partie de vos inspirations, de vos... Moi, j'ai toujours du mal à dire quelles sont mes inspirations, ouais, parce que j'aime par rapport à la question, par exemple, sur l'exercice que j'ai amené moi dans l'atelier dont tu parles, moi, j'ai pas du tout. Non, j'ai pas du tout de ces pratiques de danse de couple. C'est pas quelque chose vers lequel je vais. Par contre, il y a une base commune à ça, qui est cette question du centre et la question de l'écoute. Et là, c'est là que Bella peut les développer. Bah, c'est pour ça que du coup, je m'intéresse à plein de trucs, parce qu'à chaque fois, je vois un intérêt. Et c'est vrai que les danses de couple, moi, je travaille beaucoup dans les danses de couple brésiliennes. Le tango, je le faisais vraiment pour passion, parce que j'adore. Et cette question même des danses, j'aime trouver la passerelle en fait entre toutes les propositions et donc toutes les danses de couple, même si les gens me disent oui mais ça c'est du foro, ça c'est de la samba, ça c'est du tango, mais moi quand j'ai su, pour moi la base c'est comme ce fil qu'on a nommé dans l'atelier de la colonne vertébrale, c'est t'as une base qui est là et après oui tu mets un petit peu plus de déhanché, un peu moins, le rythme est un peu différent, mais la base c'est je suis avec l'autre en écoute avec l'autre, et après, en fonction des codes, ça part dans une gestuelle plus ou moins différente. Moi, ça, c'est mon côté où j'adore voir tout ce qui... ouais, les passerelles qu'il y a entre chaque pratique, plutôt que toutes les différences. Trop bien. Donc ça m'influence beaucoup, et ça fait que j'ai envie de tester plein de trucs à chaque fois. Et est-ce que tu veux parler du spectacle dans lequel tu prends part, et bon, qui a été annulé ce soir, mais j'imagine qu'il y a d'autres dates, enfin, alors, il y a d'autres dates. Après, moi, je suis pas sur la production, je suis vraiment en tant qu'interprète dans ce spectacle, donc autant pour notre compagnie, on est un peu plus au clair sur les dates. Là, j'ai pas vraiment de visibilité. On a une date en octobre, alors je vais peut-être prendre mon agenda, comme ça je pourrais au moins donner le jour, c'est le 13 octobre. Le spectacle, c'est donc la compagnie Vision Croisée, qui est une compagnie qui est sur Bordeaux depuis un moment déjà, qui est portée par Stick Balossa, qui lui est un artiste aussi pluridisciplinaire. Il chante beaucoup, il danse. Et donc là, ce projet s'est inspiré d'un texte et ça s'appelle « Et ma langue se mit à danser ». Et donc le chorégraphe, donc Stick, en tant que Congolais, ça l'a beaucoup touché, parce que ça fait très longtemps qu'il est en France. Et donc il y avait ce rapport à « ma langue, comment je l'oublie ?» Parce que quand t'es au pays, on te fait apprendre le français, mais en même temps quand t'es ici, du coup... Et donc ça questionne un petit peu tout ça, où est-ce que tu te situes. Et dans ses interprètes, il a des interprètes qui sont en lien avec ce questionnement. Moi, j'y trouve ma part, parce que même si ça ne s'entend pas, je suis franco-portugaise. Et donc le fait de plus être au Portugal et d'être depuis longtemps là en France déjà, ça me questionne aussi de me dire est-ce que je perds ma langue, parce que forcément même si je la parle très bien il y a toujours un accent, enfin il y a des choses qui changent et donc voilà, il y a ce travail là. Et donc le projet c'est hybride, il y a Samuel qui est au machinois et il y a Élise comédienne, il y a deux musiciens qui sont en live. Et donc, il y a les textes qui sont portés en jeu et aussi en slam. Donc après, c'est ponctué de petits moments de corps et de danse. Voilà. Donc, et ma langue se mit à danser. Et dans ta recherche, du coup, par rapport à justement ton parcours et tes deux langues aussi, genre ça s'est traduit comment, corporellement et tout, par rapport à ce projet, alors après moi je suis arrivée sur le projet en reprise de rôle, donc ça veut dire que j'étais pas dans le projet initial, donc j'ai pas suivi le processus vraiment de création, mais en termes de langue, oui, quand j'ai un texte que je dois dire j'ai peur de perdre ma langue et qui finit par si je perds ma langue est-ce que je perds mes ancêtres, tu vois, et leur histoire, c'est assez fort, parce que moi je me dis si je suis ici, je reste en France, si un jour j'ai des enfants, j'en sais rien, enfin tu t'imagines où tu vois, le portugais se perd et t'as pas forcément envie. Donc des fois, il y a un peu cette crainte. Et en même temps, c'est ce mélange qui fait que c'est génial. Donc moi, ça m'a beaucoup parlé pour ça. Et en termes de gestuelle, j'ai aimé parce que ça m'a remis dans quelque chose de beaucoup plus urbain. Okay. Là, dans le corps, on est sur une gestuelle plus urbaine qui est de là où je suis partie, en fait. Okay. Donc en termes de racines, d'origine, c'est... Moi, ça me plaît, on va dire, égoïstement à cet endroit-là et par le message où c'est pas grave, en fait, c'est très bien ce métissage. Et... Trop chouette. Ouais, ça, c'est très cool. Après, il faudrait... J'aurais peur de pas exprimer au mieux, tu vois, le projet. Ça serait bien de voir avec la compagnie Vision Croisée, quoi, avec Stick. Ils étaient très envie, le spectacle. Ouais. J'espère vraiment avoir l'occasion de le voir. Ouais, je pense. Après, on a eu la première en avril, le 1er avril. Okay. Donc, c'est pour ça que c'est récent. Donc, il faut qu'il y ait la prod et que ça tourne. On va clôturer, mais est-ce que vous avez d'autres dates à mettre en avant sur vos différents projets? Tu peux peut-être te parler sur Fleur d'Avril? Oui, parce que nous, notre prochain projet en tant que compagnie, c'est Fleur d'Avril, un travail autour de la révolution portugaise des œillets de 1974. Donc c'est un projet qu'on travaille depuis cette année, qui sera finalisé en 2024, mais on a quelques dates, quelques rendez-vous l'année prochaine, notamment à Biscarros en mars 2023. Et voilà. Et on, ça poursuit ses réflexions autour du corps de la révolte, voilà. Par rapport aux créations. Là, on s'appuie vraiment sur la question sur l'exemple de la révolution portugaise, qui était une révolution quasiment sans violence, juste quelques morts, mais liées à la police politique, pas au mouvement révolutionnaire, et qui a généré une année et demie de grands débats démocratiques et politiques très intenses, très très créatifs au sein du Portugal, jusqu'à un coup d'état militaire qui a mis fin à cette période révolutionnaire et qui a après débouché sur une démocratisation, on va dire, de la vie politique. Mais c'est une période passionnante et du coup, on la traite, pas dans les faits historiques, mais plutôt dans la dynamique de ce que ça représente, pour la mettre en relation avec les autres phénomènes plus contemporains de révolution et de contre-révolution, notamment avec les printemps arabes, avec la révolution ukrainienne de la place Maïdan, par exemple, avec ses conséquences qu'on peut lire avec la guerre en Ukraine aujourd'hui, etc. Donc il y a vraiment l'idée de faire le lien, cette réflexion globale sur la question de l'engagement et la question de qu'est-ce que c'est qu'une révolte, une révolution, que ça peut amener. Et donc ça, c'est Fleur d'Avril, notre prochaine. Exact. Enfin, la création en cours. Et Peuple, on suivra ça. Ouais, et plaisir. Mon dernière question, mon podcast, il s'appelle... celui que je fais habituellement sur la Clé des Onze, il s'appelle Au bord des corps. Ouais. Donc ça parle ça parle d'oppression systémique et ce que ça fait sur les corps et comment on réagit aussi en termes d'identité, de minorité, etc. Mmh. Et du coup, vous en tant que danseur et artiste, etc., et même en tant que personne, qu'est-ce que représente le corps pour vous, qu'est-ce qu'il est, genre, en quelques mots, parce qu'on pourrait en faire un... On pourrait développer beaucoup parce qu'il y a un enjeu du corps qui est énorme aujourd'hui et ça nous questionne beaucoup, mais même ça nous met parfois en difficulté dans les rapports humains, en fait, parce que on a un rapport au corps qui est très libéré. Ça ne veut pas dire qu'il est très sexualisé ou sensualisé, même pas. C'est juste qu'on ne voit pas le corps de la même façon. On a l'habitude de se toucher les uns les autres, etc. Du coup, on n'est pas le même sens dans ce rapport charnel. Et ça, c'est vrai que des fois, ça peut créer quelques... confusions. Quelques confusions. Et c'est parfois même difficile de se remettre à la place de l'autre, de celui qui n'a pas l'habitude de ça et qui a une appréhension du contact du corps, ouais, qu'on n'a pas du tout. Parce que du coup, les signifiants et les signifiés sont très, très, très, très différents d'un moindre contact. Ou autre. Donc il y a des vrais enjeux, mais qui demanderaient une heure de développement au moins. Ouais, moi, je complètement là-dessus. Et après, je vois beaucoup mon corps comme l'espace des possibles. Et ce côté un peu comme des tentacules, tu vois, cette idée des connexions partout. Et donc le fait de danser, le fait d'avoir cette grande conscience du corps, j'ai l'impression de, par mes pores, par la peau, partout, ouais, être en contact avec ce qu'il y a autour. Moi, j'ai vraiment ce rapport et quand je travaille moins le corps, j'ai l'impression d'être un peu moins poulpe. Ouais. Tu sais, moi, ce côté octopus là avec tout qui va palper partout et qui ressent derrière, qui entend, et c'était ultra, ça crée comme une espèce d'énorme. Et après, t'es clairement aussi, je sais, je pense que toi aussi, je sais que je vais bien quand je suis en forme physiquement. Tu vois, et que c'est le premier signe que soit moralement quoi il y a un truc qui va pas, c'est le corps qui le dit. Ouais, dès qu'il y a un truc dans le corps, tu dis alors ok, c'est quoi, ça peut être moral, ça peut être physique, mais c'est le corps qui le guide, quoi. D'où notre idée de mettre en mouvement, et qui nous avait plu parce que c'était physiquement, mais on voulait pas être juste dans le physique, parce que si tu bouges en permanence sans penser pourquoi tu bouges, sans prendre le temps aussi de reposer ou de réactiver ou de, je sais pas, de changer ta façon de bouger, c'est pareil en fait, tu t'encrasses, tu t'enfermes dans une certaine manière, une certaine façon de faire. Donc c'était intéressant cette idée que c'est valable pour le corps et pour ta tête aussi, quoi. Et pour les liens sociaux. Et pour les liens sociaux, oui, surtout. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi d'être venu, et d'avoir fait la pratique. Ouais, c'était trop chouette. Vraiment, ça faisait du bien. C'était cool. Merci. Merci. He's the man who never stops. He says flop. And hop, and hop, and hop. Three flops in a row. It feels the flow, yahoo. he's the man. He's the man who never stops. He never looks in the mirror. He never ever is afraid. He never wonders why he can't fly. He's the man who never stops. He says flop and hop and hop and hop. He just goes three flops in a row. He feels the flow. He's the man who never stops. We are the people who never stop. We say flop and hop and hop and hop. C'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Au bord des corps.